بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعتذر إليكم أولا عن هذا التأخير وموضوع محاضرة أو خطبة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو حول الكذب وخطره وتحريمه في شرع الله سبحانه وتعالى ومن مكارم الأخلاق التي جاءت الشريعة الإسلامية بإكمالها هو خلق الصدق حيث كانت العرب في جاهليتها تتفاخر بالصدق وتعظم الصادقين حتى لقبوا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالصادق الأمين وصدقوا فهو عليه الصلاة والسلام حامل لواء الصدق في الجاهلية والإسلام وما زاده الإسلام عليه الصلاة والسلام إلا تمسكا بالصدق وعملا به ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه وهذا عبد الله بن سلام وكان من أحبار يهود وكان من أحبار يهودا في المدينة يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله قدم رسول الله فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فعلامات الصدق البارزة في محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أسباب إسلام هذا العالم اليهودي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. Je m'excuse d'abord pour le retard. Quant au sujet d'aujourd'hui, il portera sur le mensonge. Sur la gravité de ce grand péché en islam. L'islam qui est venu justement pour parfaire une des qualités dont doit se revêtir chaque musulman, qui est la sincérité et la véracité. Et l'islam est venu parfaire cette qualité. Et les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, donner de l'importance à la véracité dans les paroles et élevaient parmi eux les véridiques. Ils ont même donné comme surnom au prophète sallallahu alayhi wa sallam le véridique, le digne de confiance, avant qu'il ne soit prophète et envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit vrai dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a levé l'étendard de la véracité dans l'islam et avant l'islam, et l'islam n'a fait qu'accroître cette qualité chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en la mettant en pratique, en appelant les gens à être véridiques et en patientant dans cette véracité, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Sallam, qui était un rabbin des juifs à Médine, a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens ont couru vers lui pour l'accueillir et il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, le prophète d'Allah est arrivé. Et il dit, Abdullah ibn Sallam, et je suis parti avec les gens afin de le voir. Et lorsque mon regard s'est porté sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Et parmi les premières directives dont il a guidé et qu'il a enseigné aux gens était de dire, ô vous les gens, diffusez le salut entre vous, nourrissez le pauvre et priez la nuit pendant que les gens dorment, vous rentrerez au paradis en toute paix. وتقول عائشة رضي الله عنها ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإن الإنسان العاقل لا يغضب أن يقال له بين الناس يا كذاب فكيف يرضى أن يكتب عند الله كذابا وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا الخلق الرديء وتبين أن هذا الكذب من كبائر الذنوب وتبين خطره وضرره ومصير صاحبه وعقوبته في الدنيا والآخرة يقول عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. عائشة رضي الله عنها dit que parmi les mauvais comportements les plus détestés du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez véridiques, car d'être véridique guide et conduit vers la bonté, et la bonté conduit au paradis, et l'homme ne cessera d'être véridique et de rechercher la véracité jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant véridique. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge conduit à la débauche, et la débauche conduit en enfer. Et l'homme ne cessera de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Et une personne douée de raison, normalement constituée, détesterait qu'on la traite de menteuse entre les gens. Comment alors réagirait-il s'il serait inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme faisant partie des menteurs? والكذب أيها المسلمون والمسلمات هو الإخبار بخلاف الحقيقة عمدا والكذب إذا تضمن يمينا وأفضى إلى أكل مال امرئ مسلم بالباطل كان أعظم جرما وأشد عقوبة فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكبائر وفيها اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس يا رسول الله قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك يعني عودا من أراك والحديث صحيح رواه المسلم في صحيحه. Et le mensonge, c'est le fait de dire ce qui n'est pas vrai, ou de dire ce qui n'est pas ou ce qui ne correspond pas à la vérité, et ceci de façon volontaire. Et pire encore, celui qui jure en mentant pour s'approprier les biens d'un musulman ou d'un non-musulman. Selon Abdullah ibn Amr al-As, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les différents péchés, et parmi ces péchés, le serment mensonger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'approprie le bien d'un homme musulman alors qu'il est menteur. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'approprie les biens d'un musulman en proclamant ou en proférant un serment mensonger, eh bien alors le paradis sera, l'enfer sera sa destinée et son entrée au paradis sera interdite. Wal'iyadu billah. Et un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est quelque chose de ridicule, de simple, c'est-à-dire même si celui qui jure en mentant s'approprie quelque chose qui n'a pas de valeur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si cela concerne un bâton de harak qui est utilisé pour faire al-siwak et pour se nettoyer la bouche, comme l'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ومن انواع الكذب المنتشرة بين الناس الكذب لإضحاك الجلساء. فعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. رواه الترمذي وهو حديث حسن. فويل إذن لمن أبغض الخالق ليفرح ويضحك مخلوقا مثله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه دون إكثار، ولا يقول عليه الصلاة والسلام إلا حقا، والصحابة والتابعون ومن بعدهم يمزحون ويضحكون ولا يقولون إلا صدقا. وها نحن أيها المسلمون على أبواب شهر أبريل، وفيه هذا النوع من الكذب ما يعرف بكذبة أبريل، وللأسف أنه يقلدهم فيها بعض المسلمين بحجة المزاح، وهم بذلك يحيون سنن الكافرين ويخالفون أخلاق المؤمنين وسنة خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. فينبغي الحذر والتحذير من عادات الكفار وعدم المشاركة بشيء من ذلك، بل والإنكار على من فعل ذلك وتوضيح الحق له. واعلموا أيها المسلمون أنه لا يوجد كذب أبيض ولا أسود، ولا يحل شيء من الكذب إلا في أحوال ثلاثة: كذب الرجل على امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et parmi les catégories de mensonges qui sont malheureusement diffusées et propagées entre les gens à notre époque, c'est le fait de mentir pour faire rire les gens. Selon Muawiyah ibn Hayda radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui qui dit des paroles pour faire rire des gens en mentant, malheur à lui, malheur à lui. Hadith jugé bon et rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan. Malheur donc à celui qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire rire des créatures comme lui. Et il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec ses compagnons sans excès, et il disait sallallahu alayhi wa sallam la vérité, toute la vérité, c'est-à-dire qu'il ne mentait pas dans ses plaisanteries sallallahu alayhi wa sallam. Wa sahabatu wa tabi'un, également les compagnons et ceux qui les ont suivis plaisantaient et rigolaient entre eux, mais ne disaient que la vérité. Et nous entrons bientôt dans le mois d'avril, ce mois dans lequel, ou qui est connu pour que les gens plaisantent en mentant et se fassent mutuellement le poisson d'avril. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont été influencés par cette mauvaise habitude qui est une habitude ou une coutume des non-musulmans. Il faut donc prendre garde à ne pas participer à ce genre de coutumes qui vont à l'encontre des comportements louables que doit avoir le croyant et qui contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il ne faut donc pas participer à ce poisson d'avril, ni mentir entre nous. Et certains même disent, de toute façon, ce n'est que pour plaisanter, et nous faisons cela qu'une fois dans l'année, c'est-à-dire le mois d'avril, comme s'ils s'autorisaient le mensonge, une certaine période de l'année. Ceci est contraire à l'islam, et contraire au comportement et aux directives du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et sachez qu'il n'y a pas de bon mensonge. Le mensonge est interdit dans sa totalité. Il n'y a à cela que trois exceptions dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait qu'un homme mente en faisant les éloges de sa femme, comme en disant à sa femme qu'elle est la plus belle du monde, que c'est la plus belle femme qu'il ait jamais vue sur terre, etc., etc. Ceci pour faire ses éloges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ce genre de mensonges, de même qu'il est autorisé de mentir en état de guerre, de ruser l'ennemi en disant par exemple que l'attaque aura lieu le jour alors qu'elle aura lieu de nuit, ou de dire que les attaques seront renforcées dans tel endroit alors qu'elles seront dans un autre endroit. Ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il partait en guerre. Il partait du côté du sud alors qu'il allait combattre le côté nord, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et de même qu'il est autorisé de mentir pour réconcilier des personnes, pour dire aller chez l'un ou l'une des deux personnes en embrouille et de lui dire un tel regrette ce qu'il a dit, il te demande le pardon, il aimerait te rencontrer, et de dire la même chose à l'autre, ceci dans le seul but de les réconcilier. Car le Coran nous ordonne de réconcilier entre les gens. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن من علامات الساعة أن يفشو الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ومن علاماتها أن يصدق الكاذب وفي المقابل يكذب الصادق ويتهم بما ليس فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. Et sachez que parmi les signes de l'heure, c'est la diffusion et la propagation du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu tant que la discorde n'apparaîtra pas et que le mensonge sera diffusé et propagé, et que les marchés se rapprocheront, ainsi que le temps se rétrécira et il y aura beaucoup d'assassinats. Il y aura beaucoup d'assassinats. Et parmi également les signes de la fin de l'heure, c'est le fait que l'on considère véridique le menteur et que l'on traite de menteur le véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura avant l'apparition du Dajjal, l'antéchrist, des années trompeuses. Des années trompeuses, car dans celles-ci, celui qui dit la vérité sera traité de menteur, et celui qui ment sera considéré comme véridique, et le digne de confiance sera trahi, et le traître sera considéré comme un digne de confiance. فاتقوا الله أيها المسلمون ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يفتننكم كثرة الهالكين وكونوا مع الصادقين كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للصدق غاية وللصادق مرتبة. أما غاية الصدق فهي البر ثم الجنة، وأما مرتبة الصادقين فهي الصديقية، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة عند الله. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sachez ensuite qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être dupé par le grand nombre de menteurs et le grand nombre de personnes malhonnêtes. Il faut faire partie des véridiques, comme l'a dit Allah Azzawajal, ô vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques. Et dans le hadith que l'on a cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'être véridiques. Et il nous dit que la véracité conduit au bien et le bien conduit au paradis. Et que l'homme ne cessera d'être véridique et de dire la vérité jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme faisant partie des véridiques. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que d'être véridique amène à un but et que le véridique en lui-même atteint des hauts degrés quant au but auquel ou le but final auquel amène la véracité. C'est tout d'abord que la véracité amène au bien, à la crainte d'Allah Azza wa Jal, puis au paradis. Et quant au degré du véridique, eh bien il atteindra le degré de la véracité, qui est le degré qui vient juste après la prophétie. Allah Azza wa Jal a dit, celui qui obéit à Allah et à son envoyé, ce sont eux à qui Allah Azza wa Jal comblera de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie. Le fait d'être véridique suit en termes de degré et de degré de rapprochement auprès d'Allah Azza wa Jal le degré de la prophétie. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين الذين يبرون ويدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ونعوذ بالله من الكذب ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم ردهم إلى طريقك، ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.